Lausanne, prochain arrêt. Rien n'a changé dans la ville qu'il a vue grandir. Un peu plus de voitures peut-être, sauf le samedi après-midi. Ce calme lui fait un bien immense. À Paris, rien que de traverser le boulevard Diderot pour accéder à la gare de Lyon lui a donné le tournis. Le stress parisien qu'elle adorait autrefois ne lui convient plus du tout. Au centre universitaire où elle travaille et occupe un appartement de fonction, maman décide de shooter papa dans le studio attenant afin qu'il laisse sa chambre à Faustine. Elle se débarrasse d'un perpétuel râleur tout en gardant le contrôle sur sa fille. En attendant qu'il ait déménagé, celle-ci dort au 5e étage. Quelle aubaine! De sa fenêtre sans vis-à-vis, la jeune femme apprécie la vue sur le Léman et les Alpes françaises. C'est splendide, autant de jour que de nuit. Faustine a 3 jours pour s'enregistrer au contrôle des habitants. Sitôt que c'est fait, elle reçoit une déclaration à remplir de la part de l'Office des impôts. On lui donne 10 jours pour envoyer une estimation de ce qu'elle compte gagner jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes en avril 1990. Faustine n'en revient pas. Elle n'a même pas commencé à chercher du travail. Comment peut-elle savoir ce qu'elle va toucher? Ah, que voilà un accueil sympathique dans son propre pays. Au centre, la nouvelle venue fait connaissance avec les personnes qui font vivre l'endroit. Astrid, pour commencer, la fidèle, la si gentille secrétaire de maman, celle qui est toujours disponible, supportant le moindre caprice de sa patronne. Maman prétend l'avoir récupérée in extremis lorsque son mari l'a quittée. Elle lui aurait sauvé la vie en quelque sorte. La douce Astrid se garde bien de démentir. L'autre personnage truculent est le curé de l'endroit. Un curé, oui, parce que le centre est un bastion catholique dans la très protestante Lausanne. Maman et lui se bouffent le nez à qui mieux mieux. Monsieur le curé ne supporte pas que madame la directrice soit si résolument athée. Madame la directrice ne supporte pas le paternalisme profondément misogyne de monsieur le curé. Le couple maudit est cependant condamné à s'entendre pour tout ce qui concerne les fêtes religieuses officielles et y parvient très bien, somme toute. Maintenant que Faustine est destinée à vivre ici à l'année, il est bon qu'elle sache où elle met les pieds, commande sa chère maman. Sitôt que papa a déménagé, maman siffle et Faustine descend à regret du 5e. Sa nouvelle chambre est un placard de 4 mètres sur 2, fenêtre sur la rue, qui la change à tantinet de la villa de Saint-Rémy. Ma foi, il faut bien commencer quelque part. Qui a dit que la liberté était inconditionnelle? Dès les premiers jours, mère et fille se réjouissent de fréquenter ensemble les divers groupes des alcooliques anonymes de la place. Maman tient absolument à lui présenter Franca, Lucia, Scarlett et 2 ou 3 autres nouvelles amies. Tu verras, elles sont formidables et courageuses, ces femmes. Elles ont souvent vécu un calvaire et elles s'en sont sorties brillamment. Malheureusement, si mère et fille se rendent ensemble dans les mêmes groupes, il y a vite conflit d'intérêts. Le visage que maman montre à l'extérieur ne tient plus la route devant sa progéniture. Elle y perd dans le libre choix du rôle. Fréquenter d'autres antennes ne résout pas le problème à cause du tourisme intergroupe. Lausanne est un gros bourg provincial. Les ragots se propagent vite. En désespoir de cause, elle choisit de s'abstenir. Mauvaise pioche et beau gâchis si on considère ce que cet exemple de rétablissement familial pourrait apporter aux autres. Dans un premier temps, sa mère tente de convaincre Faustine de ne pas y retourner non plus. Mais cette dernière, trop heureuse d'avoir enfin trouvé sa deuxième famille, convaincue que sa vie dépend de sa constance, refuse catégoriquement. Maman insiste. Tu sais, une fois qu'on a compris le principe, ne plus jamais prendre le premier verre, les séances deviennent inutiles. Quand on n'est pas stupide, on peut se passer de lavage de cerveau continuel. À bout de tendeur, salut! Insidieusement, elle dénigre les chers amis qu'elle encensait un mois plus tôt, prétendant que ses réunions avec le tout venant ne sont pas sa tasse de thé, car elle s'y ennuie et son cerveau supérieur avec elle. De toi à moi, je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre à la métairie, rien de plus. Les confessions publiques à la chinoise, très peu pour moi. Faustine se souvient que sa mère a toujours été terrorisée à l'idée qu'on puisse la juger. Pour une personne aussi pudique et secrète, se mettre à nu en dévoilant le fond sincère de sa pensée doit être extrêmement humiliant. Faustine pense à tous les orgueilleux qui pourrissent dans les cimetières pour n'avoir pas accepté qu'ils étaient humains, fragiles et vulnérables. Puisque sa fille persiste à vouloir fréquenter les groupes AA, maman lui fait promettre de ne jamais parler de leur famille, a fortiori d'elle, sa mère. Or, Faustine est en phase de reconstruction. Ne pas évoquer son enfance, son adolescence et la jeunesse de son alcoolisme, c'est se priver d'une partie de son histoire. Comment tisser des liens sincères et honnêtes dans ces conditions? Dans l'incapacité de tenir sa promesse, Faustine ment, culpabilise, s'isole. À l'usage, la jeune femme constate que maman n'a pas perdu son habitude de tout contrôler. Autrefois, elle s'en fichait, car cela ne touchait que son frère. Mais dès lors qu'elle devient la seule bénéficiaire de l'attention maternelle, le fait qu'elle ait 34 ans ne change rien. Maman a une manière bien à elle de protéger ses territoires. Bureau, buanderie ou cuisine. Pas question de prendre le relais dans la préparation des repas, d'oser faire une photocopie sans supervision, de lancer une machine de lessive, voire d'effectuer des achats de nourriture hors service commandé. Maman décide de ce qu'on mange, quand et comment. Du jour de lessive et repassage, de la liste des courses, jusqu'au parfum de Faustine qu'elle demande à André, son mari, de choisir. Du parfum, il en faut, car la lessive qui sèche dans le hall d'entrée est imprégnée de l'odeur de tabac froid. Mère et fille ne boivent plus, certes, mais qu'est-ce qu'elle fume? Une semaine après son arrivée, Faustine s'est inscrite chez Manpower. L'agence lui propose une place de secrétaire chez un architecte. C'est amusant. L'écrivain préféré de papa, Georges Simenon, résidait à deux pas de là. Le cabinet d'architecture est sympa. C'est une affaire de famille sans prétention. Le patron de Faustine est le dernier de la lignée. C'est un quarantenaire récemment mandaté pour rénover le stade de la Pontaise au nord de Lausanne. Il s'agit d'un énorme chantier représentant des années de travail. Il n'y a pas grand-chose à faire. Toutes les soumissions sont informatisées. Quand son jeune patron en a marre de glander sur place, il emmène Faustine dans les rues de Lausanne et lui montre ses dernières réalisations. La jeune femme n'est pas très impressionnée. Elle les trouve plutôt fades, comparé aux travaux de Beaufil qu'elle a vus à Paris. Mais ça fait passer le temps. Il y a beaucoup de jeunes apprentis et secrétaires dans le cabinet. Le matin, toute la joyeuse équipe, sans les patrons, se rend dans un bar à café pour les 9 heures. La secrétaire que Faustine remplace est en congé maladie. Quand Faustine demande aux jeunes gens s'ils ont de ses nouvelles, elles s'entendent répondre. Ah, qui? Ah, tu veux parler de Ménopause 2, le retour? Elle va survivre, t'inquiète pas. Elle s'est juste cassé le col du fémur. Dans 3 semaines, elle sera là. Faustine rit à cette appellation. Elle se dit que la jeunesse est bien impitoyable envers les moyenâgeux. Le soir même, elle reçoit une lettre de Maxime dans laquelle il avoue qu'elle lui manque. Il ne se pardonne pas de l'avoir perdue parce qu'elle s'est retrouvée. Il déclare cependant qu'il n'a pas l'intention de finir ses jours seul. Difficile de manger du jambon quand on a été habitué au filet de bœuf, hostile en métaphore, mais bien obligé de faire avec. Faustine retrouve le misogyne auquel elle s'était habituée. Tu sais, c'est incroyable le nombre de gonzesses entre 30 et 40 ans qu'on rencontre. Il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Les pauvres ont tellement peur de finir seules qu'elles feraient n'importe quoi. Du pain béni dont je ne me prive pas, tu peux me croire. Tant mieux, répond la future divorcée. Au moins tu ne souffriras pas trop longtemps de mon départ. Elle continue néanmoins à lui écrire, lui envoyant même quelques plaques de chocolat. C'est pas qu'elle culpabilise, elle est tellement reconnaissante de s'en être tirée à si bon compte. Elle a déjà oublié qu'elle a failli en crever. Mais elle préfère le caresser dans le sens du poil, au moins jusqu'à ce qu'il lui ait renvoyé ses mâles. Il met du temps à les expédier d'ailleurs. Serait-ce un moyen de rétorsion? Dans le courrier suivant, Maxime lui suggère perfidement d'effectuer un dépistage du sida. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau coup tordu? On en meurt de ce truc-là, faut pas jouer avec ça. Faustine pique d'autant plus la mouche qu'il lui est arrivé une mésaventure pénible autant qu'effrayante à Orthez. Un patient dont elle a su par la suite qu'il s'était défenestré parce que atteint du sida, s'est jeté sur elle pour l'embrasser de force. Ça n'a duré qu'une seconde, le temps qu'elle le repousse brutalement. Mais a-t-elle été contaminée ou pas? Pas de bol, le téléphone est justement coupé au boulevard pour cause de travaux. Folle de rage, Faustine fonce à la gare, appelle Paris d'une cabine et engueule son mari. Faire peur aux gens ainsi, c'est un scandale. Lui reste très calme. Il explique posément que son docteur lui a conseillé le test quand il est allé le voir pour cause de grande fatigue. Il ne faut pas en faire un fromage, il voulait simplement que Faustine s'assure qu'elle n'a rien. Vu qu'elle couche à droite et à gauche, ce n'est rien que de très naturel. Faustine est écœurée. Voilà qu'il la traite de pute en plus. Elle lui annonce qu'elle ne lui écrira plus. Il répond que c'est parfait, il n'en a plus besoin. Faustine prend rendez-vous pour faire le test. L'officine est située dans les locaux sinistres, au nord de Lausanne. On se sent pestiféré rien que de passer la porte. S'ensuit une interminable semaine d'attente à se remettre en question et revisiter sa position vis-à-vis de la vie et de la mort. Au final, le test est négatif. Ouf! C'est fou ce que la vie devient précieuse quand on a choisi de ne pas lui tourner le dos. Certains samedis pluvieux, Faustine et maman montent en ville, font provision de viennoiseries en tout genre et de cassettes vidéo. Le week-end se passera à manger, fumer, boire du thé et regarder des films. Un vrai programme diététique. Par beau temps, il arrive aux deux femmes de réserver une table au restaurant du Casino d'Evian. Le brunch du dimanche a excellente réputation. Un buffet de choix à prix abordable. Beaucoup de Lausannois profitent de l'aubaine. Maman s'inscrit toujours au second service. Mère et fille font la grasse matinée, puis descendent tranquillement l'avenue. À Ouchy, elles embarquent sur l'un des magnifiques bateaux de la Compagnie Générale de Navigation et traversent le Léman. Leur repas se termine juste au moment où s'ouvrent les salles de jeu. À la caisse, le duo s'offre pour 100 francs français de jetons destinés aux machines à sous. Le jeu consiste à tout perdre en 2 heures de temps. Chose difficile quand on n'arrête pas de gagner. Mais avec un peu de persévérance, on y arrive. Maman estime que l'argent du jeu, c'est de l'argent sale qui ne doit servir qu'à s'amuser pendant une durée limitée. Faustine, occupée aux machines à sous, a toujours une oreille qui traîne. Pendant qu'elle introduit ses jetons et tire sur la mallette consciencieusement, elle est fascinée par les conversations des clients du lieu. L'assemblée est en grande partie composée de vieux beaux, de vieilles peaux, voire de quelques momies, rarement trentenaires. Beaucoup se connaissent. Les conversations sont instructives. La jeune femme apprend que certains réguliers viennent ici gagner de quoi payer leur loyer, parfois un peu plus. Ils se racontent leurs bons coups et leurs jackpots. Chez certains, on sent que l'enjeu est capital. Il faut engranger si on veut manger ce soir. Il y a une sorte de désespoir dans leur regard. On ne voit plus très bien quelle est la part de plaisir. Sans doute qu'à ce niveau, il n'y en a plus. Faustine les plaint sincèrement. Itares irae. Ainsi vont les choses.